aujourd'hui, donc j'en ai oublié de signaler que c'était aussi quand même un jour spécial focus sur les installations du festival. Donc on a eu là un extrait en interne du Windshield. On a eu, alors non, on aura un autre bout, enfin la photocopieuse, ce sera demain. Et maintenant, on passe aux installations sonores vues par Anouk Janton avec Nathalie Peter. Et pendant ce temps, Mercure rétrograde toujours un petit peu. D'où les soucis de communication. On y va ? Ouais. Alors il y a un petit, une petite minute de silence. Ouais, qu'on va s'occuper de meubler qu'on va s'octroyer. Non, on peut. Ça, je pèse. Nathalie Peters, bonjour. Bonjour. Tu viens juste d'arriver à Archipel. Oui, exactement. Depuis Locarno. Oui. Et tu viens ici pour pouvoir prendre le temps de venir écouter, de venir rencontrer des artistes de la Suisse romande pour quelques jours, c'est ça? Pour 2 jours, oui, je suis ici. Ok, super. Alors on va aller ensemble mettre nos oreilles dans les 2 installations sonores que l'on peut trouver au Festival Archipel de Matteo Lutti, dans la salle des veillées en bas, et de Suzanne Boulay à l'étage, dans un endroit où je crois le parquet craque beaucoup, mais on verra ce qui se passe. Allons-y. C'est l'œuvre de la première, on va descendre les escaliers, une proposition de Matteo Lutti qui s'appelle Machine de chambre dièse 2. Voilà ce qu'on en sait pour le moment. aussi c'est la fin de d'un moment de l'installation, je sais pas trop. Toi, tu as compris que ce que se passe? Non. On sent beaucoup, c'est très physique, non? Ça te entre vraiment dans le corps. Et j'ai beaucoup ça, non? Aussi cette fréquence tellement bas que te fait. Tu sens la vibration. Très très fort, ouais. Non? Et c'est intense, mais moi je l'aime, non? C'est comme un massage, non? Comme un massage, ça. Oui, absolument. Ça fait du bien dans le ventre. Ça fait vraiment du bien, je trouve, physiquement. Système mécanique. Ouais. Il appelle ça des alter instruments. Mm-hmm. Tu vois le... Alter instruments, ouais. Mais, et on ne doit pas toucher. C'est difficile parce qu'on a touché l'air. On a touché la sensation physique. Oui. Et c'est des matériaux qui sont récupérés. Ouais. Tu comprends qui... Oui, récupérés. Mm-hmm. Mm-hmm. Et relativement pauvres, au sens où c'est pas des matériaux volontairement, c'est pas des matériaux précieux. Non, et ça c'est impressionnant parce que le son n'est pas du tout pauvre. Hein, c'est très très riche. Ah, donc c'était un vrai silence, regarde, la composition dure 8 minutes. Mm-hmm. On était vraiment à la fin. Mm-hmm. On était arrivé. Tuyau. Annelie, synthétique. Bambou. Pivoté. De plein palier, il y a beaucoup d'espace et j'ai toujours beaucoup aimé cette cage d'escalier avec ses carreaux bleus qui résonnent beaucoup. Oui, ici on sent encore, mais c'est complètement différent. Ce qui se passe en bas? Oui, et c'est plus haut maintenant les fréquences. Ouais, c'est quelque chose d'autre. Peut-être que c'est le soundcheck du concert de ce soir. D'accord. Mais je sais pas, à vrai dire. Il y a une espèce de confusion. Ah, il faut qu'on enlève nos chaussures. Une à deux personnes à la fois, sans chaussures, sans toucher les grelots. Ah, ok. Son délicat. Marcher doucement. Ok. De marcher très délicatement, à pas feutrés, sur une surface comme une sorte de grand filet de nasse à poisson, tendu au sol, et sur laquelle est disposé des petits grelots, tous identiques. Et par nos pas, on les actionne doucement. Oui. De manière assez subtile. Ah. On a trouvé un endroit. Sonore. Oui. Avant, c'était tout un autre son. C'était pas ça. Il y a comme deux niveaux. Le premier niveau plus évident, qui est le centre de Groslot tel qu'on le connaît. Et puis derrière, un second niveau plus diffus, qui est une sorte de frémissement continu, comme si ça... comme si ça générait pour tous les grelots une sorte de mise en mouvement, mais oui, très subtil. Très subtil, à peine perceptible, mais qui crée un son. Comme les cicales, comme cicades. Tu sais, cet animal. Les cigales. Si. Ah. Oui, puis à la différence que les cigales, en général, on ne peut jamais les voir parce que quand on est relativement proche, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent, oui. Alors que là, non. Mais en même temps, c'est très difficile de... On entend très bien ce second son produit. Mais c'est difficile de voir que les grelots bougent. De comprendre qu'est-ce qui fait que ça les fait bouger comme ça. C'est beau aussi cette expérience de marcher sur cette vélo, sur cette toile. Toile qui est à la fois tendue et en même temps un peu distendue. Oui. C'est un peu entre les deux et puis elle est transparente puisque c'est comme un filet. Donc on peut aussi appréhender l'espace du sol qui est une mosaïque. Oui, ça semble que c'est... C'est suspendu un peu. Donc il y a clairement un dessin, une forme visuelle ou géométrique des grelots, une mise en espace des grelots visuellement, et qui, j'ai pas l'impression qu'ils bougent quand on marche, alors on est assez délicate. Non, je crois qu'ils ne se bougent pas. Est-ce qu'ils sont juste posés ou est-ce qu'ils sont d'une manière ou d'une autre? C'est une bonne question. On ne sait pas. Ils ne se bougent pas du tout. Ils ne roulent pas, ouais, c'est étonnant parce qu'il y a quand même une petite gravité. Je pense qu'ils doivent être fixes, non? Mais on va pas casser la magie dans les yeux. On ne touche pas. On ne touche pas. C'est agréable, hein, de... Oui, c'est un peu comme le matériel de notre... Des collants. Ah, notre collant. On a toutes les deux des collants. Ce matin, sans savoir qu'on allait se rencontrer. Oui. Parce que ton arrivée au festival était une surprise pour moi. Oui, la jupe et les collants noirs. Super. Okay. Alors, on est ressorti du carré. Il s'agissait de Vie mitoyenne de Suzanne Boulay. Deuxième installation sonore, Commande Archipel, et ça nous invite à nous déplacer sur un simple plancher. Alors c'est un plancher fait de toile, pas de bois. Ouais, chaque mouvement communique l'énergie pour activer ses grelots. Les vibrations du sol provoquent des mouvements de balancier débile qui se multiplient pour résonner comme le bourdonnement d'une foule. C'est ça, c'est le second son qu'on entendait. Co-conception Rudy de Sellière. Et voilà, c'était le focus sur les installations du Festival Archipel par Anouk Janton. Merci beaucoup Anouk. Et ça va être super parce que là, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Suzanne Boulay pour la suite de cette radio. Mais avant ça... De l'installation au mobilier, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, c'est Yvonne Harder qui a le plaisir de le franchir pour nous. Ou qui nous fait le plaisir de le franchir pour nous pratiquement tous les matins. Enfin, c'est un matin comme celui-ci, une fin de matinée. Il est même midi 9. Il est temps d'écouter Salut Objet, bonjour Festival, à moins que ce soit l'inverse. Merci Lapin de Bois. Attends, vite meublé. Attends. Non, encore. Bon. Je te noterai pas très bien à la fin de ton stage. Allons-y.